Simame juu ya maombi. Tufungule ma Biblia yetu. Wafalme wa kwanza sura ya tatu. L'alpha et l'oméga. Alpha na omega. Toi seul, tu es le premier et le dernier. We peke ni wa kwanza tena wa mwisho. C'est toi seul le créateur des visibles et des invisibles. Ni we peke mumbaji wa vitu vya kuonekana na visivyoonekana. Le ciel et la terre enferment l'œuvre de tes mains. Mbingu na dunia ni kazi ya mikono yako. C'est pour cela que tu mérites la gloire, l'honneur, la puissance, la magnificence. Ndio kwa maana unastahili heshima, utukufu. Nous sommes l'œuvre de tes mains. Tuko kazi ya mikono yako. Et nous sommes ici pour que toi seul tu puisses nous façonner. Na tuko hapa juu peke yako upate kutuchonga. Afin que nous puissions te ressembler en toutes choses. Dieu te pate kufanana mkila kintu. Pour être parfait au jour où tu reviendras. Dieu te kweba kamilifu ile shiku takuya. Nous vivons un temps difficile. Tuko naishi wakati ya nguvu. C'est un temps où les prophéties de la Bible s'accomplissent. Ni mwakati mule maunabia Biblia inatimilika. Nous voulons être des témoins oculaires de ce que toi tu réalises. Tunapenda kuwa bashuhuda wa wazi mbele wewe Mungu unatimiza. C'est pourquoi aide chacun de nous. Njoo kwa maana saidia kila mmoja wetu. Ouvre-nous les oreilles spirituelles. Utufungule masikio ya kiroho. Et parle, nous écouterons comme écoutent les disciples. Na useme tutashikia vile wanafunzi wanashikia. Souviens-toi de ce peuple qui a tant de problèmes. Kumbuka hii taifa inakuwa na mambo mingi. Il y a ceux qui sont malades. Kuko benye kwa bagonjwa. Il y a ceux qui n'ont pas du boulot. Kuko bala bana na kazi. Il y a ceux qui vivent dans un foyer troublé. Kuko bale mumajama muko fujo. Il y a ceux qui sont affamés. Kuko benye kwa na njaa. Il y a ceux qui cherchent le Saint-Esprit. Kuko benye kutafuta Roho Mtakatifu. Seigneur, Bwana, donne à chacun de nous selon les désirs de son cœur. Kaburia kila mmoja wetu kufuatana hitaji ya roho yake. Bénis la parole qui sera lue. Bariki neno itasomewa. Que Dieu à la fin soit honoré. Mwanzo na kumwisho heshimishwe. Au nom de Jésus-Christ. Mungina ya Bwana Yesu Kristo. Nous te prions ainsi. Tunakuomba hivi. Amen. Amen. Premier roi au chapitre 3. Wafalme wa kwanza sura ya 3. Nous commençons au verset 3. Tuko naanzia pa mstari ya 3. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. Salomoni alikuwa anapenda wa milele na kufata bisela bia baba yake Daudi. Seulement c'était sur les hauts lieux qu'ils offraient des sacrifices et des parfums. Vile ilikuwa ni paka pale pa juu pale anaanza kutoa masadaka na manukato. Le roi s'est rendu à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Mfalme akaenda kugabaoni juu akwenda kutolea juu ilikuwa fashi ya takatifu sana. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Salomon akatoa masadaka 1000 kumazabao. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Gabaoni wa milele kamaonekania Salomoni ndoto mumshiku. Et Dieu lui dit. Na Mungu akamonesha. Demande ce que tu veux. Lomba que je te donne. Kiote kile unapenda nitakupa. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Mungu ongeze mabaraka usome neno lake. Hier soir, nous nous sommes séparés sur un conseil. Mangaribi ya jana tuliachana pa shauri moya. Nous ne devons jamais abandonner la parole de Dieu. Atuweze kamwe kuacha neno ya Mungu. Ni dans notre vie propre, ikuye mu maisha yetu benyewe. Ni dans notre foyer, au ikuye mu jamaa yetu. Ni dans notre église ici, au ikuye mu kanisa yetu humu. Avec Dieu, nous avons la sécurité et la paix. Pamoja na Mungu tuko muukingo tena msalama. Avec Dieu, nous serons toujours heureux. Pamoja na Mungu tutakuwa kila mara benyeri. Mais lorsque nous abandonnons Dieu et sa parole, sasa wakati tunaacha Mungu na neno yake, nous sommes vaincus par l'ennemi. Tuko benye kuiniwa na adui. Et nous devenons les malheureux de tous les hommes. Na tunakuya ba ole ba kubantu bote. Lorsque je parlais sur je vous enverrai Élie le prophète, wakati nilikuwa nasemea yulu ya nitamitumia Elia nabi, nous avons dit beaucoup de choses sur le comportement de Salomon. Tulisemea mbitu bya mingi juu ya mwenendo ya Salomon. Comment cet homme de Dieu avait commencé son règne? Namna kani huyu mtu wa Mungu alianzaka utawala yake? Et comment Dieu l'avait terriblement béni et sécurisé pendant qu'il était obéissant? Na namna kani Mungu alimkingaka na kumbariki wakati alikuwa kingali mtifu? Et nous l'avons vu comment cet homme a chuté lorsqu'il abandonna Dieu pour l'amour des femmes étrangères. Tulionesha namna kani huyu mtu aliangukaka wakati aliachiliaka Mungu mkupenda wanawake wa kigeni. C'est pourquoi je ne parlerai pas d'une manière profonde à ce sujet. Ndio kwa maana sitasemea namna ya upana mwitungo. Nous survolons parce que nous avons un objectif à atteindre. Tuko na luka tu juu tuko na kifukuzio kya kufika. C'est Salomon que Dieu avait donné la sagesse sur toute la terre. Ni Solomoni ambao Mungu anakaburia hekima pa ulimwengu mzima. A fini par abandonner Dieu. Lakini alimarizikiaka paka mukachiria Mungu. Dieu était venu à lui. Mungu alikuyaka kwake. Pour lui dire, Salomon, ne fais pas ce que tu veux faire. Dieu akumonesha kusema Salomon hapana kufanya bila unatafuta kufanya. Marche sur les traces de ton père. Tembea munyayo ya baba yako. Mais Salomon n'écouta pas. Lakini Salomoni ashikushiki yake. Dans 1er roi au chapitre 11, Mwafalme wa kwanza sura ya 11. C'était une écriture qu'on avait beaucoup exploitée autrefois. Nyandiko ambayo tulisemeaka bya mingi maturi ya kumbele. Dans son verset 1, l'Écriture dit, Mumusari yake ya kwanza andiko inasema, que le roi Salomon aima beaucoup les femmes étrangères. Mfalme Salomon alipendaka sana babibi wa kigeni. Dans son verset 2, l'Écriture dit, Mumusari ya pili andiko inasema, son cœur s'est détourné de l'Éternel. Moyo wake ikaacha wa milele. Pour s'attacher au Dieu de ces femmes, Dieu a kujambatanisha kuba miungu ba bale banamuke, accorde son amour envers celle-ci. Dieu a mapendo yake kubale banamuke ba kigeni. Nous avons vu que dans le verset 4, tuliona kusema msura ya 4, mstari ya 4 du chapitre 11 ya sura ya 11, c'était à l'époque de sa vieillesse, ilikuwa ni wakati sasa ya buzee wake, que ces femmes ont profité pour incliner son cœur vers les idoles. Ni mubuzee yake ambao bale banamke bali akafaidia juu ya kuinamisha roho yake kumahasanamu. Dans son verset 5, Salomon adora même Astarté. Salomoni arenda kuabudu hata Astarté. Et lorsque Salomon fit ces choses, na wakati Salomon alifanya hii bintu, cela déplut complètement à l'Éternel notre Dieu. Bile bilishirikishaka kabisa wa milele Mungu wetu. Parce que cet homme sur qui Dieu comptait ne suivait plus pleinement l'Éternel. Juu huyo mtu ambao Mungu alianza kutumainia sikuanza tena kumfuata Mungu na moyo wake wote. Dans son verset 7, Salomon est allé plus loin pour bâtir même les hôtels de ses idoles en face de Jérusalem. Juu ya kuyenga mazabao ya ima sanamu kumbele ya Yerusalem. Dans son verset 9, Saria kenda, l'Éternel fâché contre Salomon, Dieu lui-même est venu rencontrer Salomon pour lui dire, attention, je te défends de faire cela. Mungu mwenye akakwenda kukutana na Salomon juu ya kumwambia kusema sopoka mimi na kukataza kufanya vile. Dieu n'est même pas venu vers Salomon une seule fois. Dieu lui a parlé, il est apparu deux fois. Mungu alimuonekania mara mbili. Mais Salomon n'avait pas écouté. Lakini Salomoni ashikushikiaka. C'est ainsi que Dieu dans sa colère. Kwa hivi Mungu mkasirani yake. Comme Salomon ne voulait plus observer les ordres de l'Éternel. Vile Salomoni ashikupenda tena kutima maagizo ya wa milele. Au verset 11. Mumustari ya 11. Et l'Éternel dit à Salomon. Na wa milele akamwambia Salomon. Puisque tu as agi de la sorte. Savilo litenda mwi namna. Et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites. Na vile au kuangaria agano yangu na sheria nilikuandikia. Je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Nitapasula hii ufalme yako na nitakaburia kwa mtumishi wako. Dieu ajouta et dit. Mungu akaongeza na kusema. Seulement je ne le ferai point pendant ta vie, lakini siwezi kuifanya wakati utakuwa mzima. À cause de David ton père. Juu ya Daudi baba yako. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Ni mu mikono ya mtoto yako mule ambao nitainyanganya. Et dans le verset 13, Sura 13, je n'arracherai cependant pas tout le royaume. Siwezi kunyanganya ufalme yote. Je laisserai une tribu à ton fils à cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. Nitaacha ako jama moya tu, kabila moya juu ya Daudi mtumishi wangu na juu ya Jerusalem. Quand Dieu reprit Salomon, wakati Mungu alikuwa anamkemea Salomon, Salomon n'avait jamais écouté. Salomoni ashikushiaka kamwe. Salomon ne comprenait pas les dangers qu'il courait parce qu'il était séduit. Salomon a shikoelewa mahatari ile alianza kufukuzia juu alikuwa ashakutongozewa. C'est ce qui nous arrive souvent. Njo ile natufikiaka mara mingi. Lorsque nous sommes entraînés par les mauvais esprits pour notre malheur. Juu wakati tunashikwa na maromo chafu juu ya ole yetu. Comme je l'avais dit autrefois, vile nilisema tena, quand quelqu'un est sous l'influence des mauvais esprits, wakati mtu eko mwenye kuvutwa na pepo mchafu, la première des choses que les démons font, c'est faire oublier à cet homme la parole de Dieu. Kia kwanza kile shetani anafanyaka ni kumfanya yule mtu asahabu kwanza neno ya Mungu. Qu'il soit prophète, akuwe nabii, qu'il soit pasteur, akuwe mchungu pasteur, qu'il soit évangéliste, akuwe évangéliste, qui qu'il soit, mutu yote yote, quand il emprunte la voie de l'égarement, wakati anafuata njia ya upotevu, il ne peut pas écouter, asiweze kamwe kushikia, et il oublie même les versets bibliques qu'il prêchait, na anasahabu hata ma verset ya Biblia alianza kuhubiri. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana apate mbariki. C'est pourquoi nous devons tirer très attention. Njoko maana tunapasha kusopoka sana. Comme nous l'avons souvent dit, prêcher c'est une chose. Vile tunaisema kila mara kuhubiri ni kitu ingine. Écouter la parole c'est une chose. Kushikia neno na kunishika kitu ingine. Mais vivre la parole c'est aussi une autre. Lakini kuishi neno nayo ni kitu kingine tena. Ceux qui vivent réellement la parole de Dieu. Wenye kuishi kabisa neno ya Mungu. Ce ne sont que des enfants de Dieu nés de nouveau ayant la nature de Christ en eux. Ni paka tu batoto ya Mungu wenye kuzalika mara ya pili wenye kuwa na asili ya Mungu. Mais un homme converti qui a la connaissance de la parole de Dieu. Lakini mtu asipogeuka mwenye kuwa tu na ufahamu ya neno. Quand il emprunte la voie de l'égarement, basi wakati anabeba njia ya upotevu, il oubliera toutes ses prédications. Atasahau mahubiri yake yote. Il oubliera toutes ses notes. Atasahau vile vyote aliandikaka. Il est tellement embrouillé dans son esprit. Ego mwenye kuvurukwa roho yake que tous ces versets s'éloignent de lui. Yenye kufikia ma verset yote inaenda mbali naye. C'est pourquoi quand nous sommes dans une situation quelconque, ndio kwa maana wakati tunapatikana mu mambo yote yote, et que Dieu vient à notre secours par quelques conseils, na Mungu anakuja kutusaidia kupitia mashauri fulani, même si ces conseils ne paraissent pas être bons à tes yeux, hata kama ile mashauri ayonekane kuya mzuri kumacho yako, il faut toujours les écouter parce que ce sont les conseils qui viennent de la part de Dieu pour votre bonheur. Inapasha wakati yote kuishikia juu ni mashauri ya kutokea kwa Mungu juu ya salama yako. Et pourtant Salomon n'est pas comme le reste du roi. Japo Salomon ashikwe saba falme bengine. Lui-même était un bien-aimé de l'Éternel. Ye mwenye alikuwa mpendo wa milele. Si vous lisez la Bible, kama unasoma Biblia, vous remarquerez que le royaume de David, mutaona kusema ufalme ya Daudi, était un royaume de guerre. Ilikuwa ni ufalme ya mavita. C'est un royaume qui était caractérisé par la guerre. Ni ufalme ilikuwa paka ya mavita. Et pourquoi cet homme de Dieu a fait la guerre pendant son règne? Nani Dieu a nino mtu wa Mungu alifanya kama mvita mu falme yake. David a-t-il versé beaucoup de sang? Yani Daudi alimwangaka damu mingi. C'est parce que il voulait pacifier le pays que Dieu lui avait donné. Ni Dieu alipenda kuleta salama mwinchi ile Mungu alimkabulia. Sur lequel il avait établi comme roi. Mule ambayo aliwekwaka sa mfalme. Mais quand vous prenez le royaume de Salomon, kama mnabeba ufalme ya Salomon, c'est un royaume de paix que nous appelons comme le millénium d'Israël. Ni ufalme ya salama ile tuko naita sa millénium ya Israël. Salomon n'a pas livré beaucoup de guerres. Salomon asikufanyaka mvita mingi. Il y a eu quelques ennemis. Kulikuwa baadui kiloko. Mais qu'il a décapité le plus tôt possible. Bali ambaye aliuaka mbele ya wakati. Selon le conseil qu'il avait reçu de son père. Patana na shauri ile alipata kwa baba yake. Mais lakini en général c'est un royaume de paix. Kwa yote ilikuwa ni ufalme ya salama. Et c'est pendant ce royaume que même le temple fut construit. Na ni mwile wakati ya Salomo hata hekalu liengwaka. Et il n'y avait pas beaucoup de troubles dans son royaume. Na yake fujo ya mingi mfalme yake. Mais la prospérité, lakini kuendelea, et son amour envers les femmes étrangères, na mapendo yake kwa banamke wa kigeni, comme la Bible l'a dit et le dit, na vile Biblia iko nasema, Salomon dans sa vieillesse, Salomon mubuzee bwake, abandonne l'Éternel pour des femmes étrangères. Akacha wa milele juu ya banamke wa kigeni. C'est lorsque Salomon abandonne l'Éternel, ni wakati Salomon anaacha wa milele, que Dieu maintenant lui suscite trois ennemis. Quand vous prenez le chapitre 11 du premier roi, vous pouvez commencer à partir du verset 14 jusqu'au verset 26, même jusqu'au verset 40. Vous remarquerez que Dieu avait suscité Hadad comme premier ennemi. Mungu alimlamshiaka Hadad sa adui wa kwanza kumkumbanisha. Raison comme deuxième ennemi. Raison sa adui wa pili. Jéroboam, son propre serviteur, comme troisième ennemi. Jéroboam mtumishi wake sa adui wa tatu. Dieu avait suscité ses ennemis parce qu'il voulait maintenant punir la postérité de Salomon. Mungu alilamshaka baba adui juu alipendaka sasa kuapiza uzao ya Salomoni. Il a connu un moment de trouble vers la fin de sa vie. Alipataka wakati moja ya fujo kule kumwisho wa maisha yake. Mais à cause de David son père. Sasa juu ya Daudi baba yake. Dieu n'a pas déstabilisé son royaume. Mungu ashikumaliza kwa falme yake. Mais il a attendu que Salomon parte. Alichungaka Salomon apate kufa. Pour que son royaume soit divisé comme il lui avait dit. Juu ya kusema falme yake ipate ukaburiwa vile Mungu alimuoneshaka. C'est après la mort de Salomon. Ni kisha kufa kwa Salomon. Son fils Roboam vient régner à sa place. Mtoto yake Roboam akakuja kutawala pafashi yake. Que le royaume d'Israël fut maintenant divisé en deux. Mule ambao ufalme sasa ya Israeli ilikabuliwa vipande viwili. Je réponds là. Narudilia ile. À cause de David, le père de Salomon, Juya Daudi baba yake na Salomoni, et à cause de l'obéissance de David envers les ordonnances de l'Éternel, na Juya utifu ya Daudi kumaagizo ya milele, Dieu n'avait jamais voulu déchirer le royaume d'Israël pendant la vie de Salomon. Mungu ashikupendaka kamwe kupasula ufalme ya Israel wakati Salomo alikuwa mzima. Mais il a réservé cette division, lakini alichungaka aikabule, après le départ de Salomon son fils. Kisha kufa kwa Salomone mtoto wa Daudi. Quand cet homme de Dieu est arrivé, c'est-à-dire Roboam, wakati mtu wa Mungu alifika Roboam, le fils de Salomon, mtoto wa Salomoni, qui vint régner à sa place, c'est autant de Roboam que le royaume de Juda fut divisé en deux parties. Il y eut le premier royaume, appelé le royaume de Juda, et il y a eu le deuxième royaume, appelé le royaume d'Israël. C'est vrai. Ni kweli. Suivez-moi très bien. Munifuate mzuri. Dans 1er roi au chapitre 12. Kwa falme wa kwanza sura ya 12. Dans 1er roi au chapitre 12. Mu falme wa kwanza sura ya 12. Ici la Bible montre comment le royaume d'Israël s'est divisé. Hapa Biblia kunatuonesha namna kani ufalme ya Israel ilikabuliwa vipande viwili. Au verset 1 la Bible dit, msura ya kwanza Biblia inasema, Roboam se rendit à Shishem. Roboam akenda ku Shishem. Car tout Israël était venu à Shishem pour le faire roi. Juu Israel yote ilikuwa ku Shishem bapate mfanya mfalme. Lorsque Jéroboam, fils de Nebat, eut des nouvelles, wakati sasa Jéroboam mtoto wa Nebat alipata kile habari, Jéroboam était l'ennemi de Salomon son père. Jéroboam alikuwa adui wa Salomon baba yake. À un moment, Salomon voulait le tuer. Jéroboam s'enfuit vers l'Égypte où il fut accepté, où il fut logé en paix pendant toute la période où Salomon était en vie. Mwakati mwa Salomon alipenda kumua, akakimbia ku Misri, mule alikalaka, wakati yote Salomon alikuwa mbujima. Et c'est ce que le verset 2 explique. Njo ile mstari wa pili nasema. Pendant qu'il était en Égypte, wakati alikuwa ku Misri, où il s'était enfui loin du roi Salomon, kule alikimbiaka mbali na mfalme Salomoni. Et c'était en Égypte qu'il demeurait. Na ni ku Misri kule alianza kuikala. On l'envoya appeler. Bakamutuma bakamuite. Alors Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël vinrent à Roboam et lui parlèrent ainsi. Suivez très bien. Hasa Jéroboam na Israël yote bakakuya jua kumuonesha Roboam hivi. Ton père a rendu notre joug dur. Baba yako alifanyaka nila yetu na kuwa mugumu. Toi maintenant, allège cette rude servitude et les jougs pesants qui nous a été imposé par ton père et nous te servirons. We sasa le kesha bugumu bwa imateso tuko nayo ile ilikuwa bujito kwetu na sisi tutakuwa batumishi yako. Il leur dit, akabambia, allez et revenez vers moi dans 3 jours. Mwende na murudie kwangu kisha mashiku tatu. Et le peuple s'en alla. Na taifa ikaenda. Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon son père pendant sa vie. Mfalme Roboam akaenda kuona bazee bale walikuwa kupembeni ya baba yake Salomo wakati alikuwa ngali mzima. Et il dit, na akasema, que conseillez-vous de répondre à ce peuple? Mutanishauria nini nipate kujibu itaifa? Et voici ce qu'il lui dit. Natazama bile bazee barimuonesha. Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, kama leo unatumikia itaifa, si tu leur cèdes, kama unabachiria, c'est-à-dire tu réponds favorablement à ce qu'ils t'ont demandé, unaanza kuichikia mzuri bile biko na kulomba, si tu leur réponds par des paroles de paroles bienveillantes, kama unaanza kubajibu na mamisemo mo mzuri, ils seront pour toujours tes serviteurs, batakuwa mashiku yote batumishi yako. Dans son verset 8, mumusari yake ya 8, mais Roboam laissa les conseils que lui donnaient les vieillards. Lakini Roboam akaacha mashauri ile bazee barimkaburia. Et consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Akenda sasa kuuliza babiana bali walikomeaka naye pamoja na barianza kumshunguluka. Il leur dit, akabambia, que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui se tient, qui me tient, ce langage? Mutanishauria nini nipate kujibia hii taifa yenye kunisemea hii misemo? Allège le joug que nous a imposé ton père. Lekesha nila ile ilitukaburiaka baba yako. Et voici ce que lui dit les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Natazama ile babiana baribonesha bale barikomeaka pamoja naye. Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tendu, qui t'a tendu ce langage. Utasema hivi kuita taifa ili kusemea hii misemo. Ton père a rendu notre joug pesant. Bale barikwambia kusema baba yako alifanya nile tunakuwa mjito. Et toi, allège le nous. Na wewe tulekeshee. Tu leur parleras ainsi. Utabasungumuzia hivi. Mon petit doigt est plus gros que le rein de mon père. Kilole yangu ya mwisho iko mkubwa kupita kiuno kya baba yangu. Maintenant mon père vous a châtié et vous a chargé d'un joug pesant. Sasa baba yangu alimikaburia nila ya bujito. Et moi je vous rendrai plus pesant. Na mita mifanya ikuye na bujito sana. Mon père vous a châtié avec des fouets. Baba yangu alimipigaka na fimbo. Et moi je vous châtierai avec des scorpions. Na mita mipika na bange. Jéroboam. Et tout le peuple vint à Roboam. Na taifa yote kakuya kwa Roboam. Le troisième jour. Siku ya tatu. Suivant ce qu'avait dit le roi. Kufatana na vile mfalme. Revenez vers moi dans 3 jours. Murudie kwangu kisha mashiku tatu. Et le roi répondit durement au peuple. Na mfalme akajibu na nguvu kwa taifa. Il laissa les conseils que lui avaient donné les vieillards. Akaacha mashauri ile bazee barimkaburiaka. Et il leur parla ainsi d'après les conseils des jeunes gens. Na akabasemea hivi kufuatana na mashauri ya babiana. Mon père a rendu votre joug pesant. Baba yangu alifanya manile ni kwe bujito. Et moi, je vous le rendrai plus pesant. Na mita ifanye kwe bujito sana. Mon père vous a châtié avec des fouets. Baba yangu alimipika na fimbo. Et moi, je vous châtierai avec des scorpions. Na mita mipika na bange. Ainsi le roi n'écouta point le peuple. Hivi mufalme ashikushikia kamwe taifa. Car c'est la fille dirigée par l'Éternel. Juu ile iliongozewa na wamilele. En vue de l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dite par Achija, à Silo, à Jéroboam, fils de Nebat. juu ya kutimilika kwa neno ya wamilele ambayo alisemeaka kwa Jeroboame mtoto wa Nabati. Lorsque tout Israël vint, que le roi n'écouta pas, le peuple répondit au roi. Wakati Israeli yote iliona kusema mfalme ashikubashikia, taifa ikamjibu mfalme. Quel part avons-nous avec David? Sehemu kani tuko nayo na Daudi? Nous n'avons point d'héritage avec les fils d'Isaïe. Hatuna na urithi pamoja na batoto ba Isaïe. A tes tentes Israël. Mumaema yako Israël. Maintenant pourvois à ta maison. Sasa ukaburie hiyo nyumba yako. Et Israël s'en alla dans ses tentes. Na Israël akenda maema yake. Et les enfants d'Israël qui habitaient les villes de Juda furent les seuls sur qui Roboam régna. Na batoto ba Israel barianza kuikalaka kuyuda baribakia paka bo ambayo Jeroboam alianza kutawala. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana amibariki. Bien aimé frère, écoutez. Bapendwa nduku mushikie. Vous m'avez toujours entendu du haut de cette chair prononcer ces paroles. Mwana nishikia kila mara pa imi mbali kusema ima sauti. On donne des conseils, des bons conseils, qu'à un homme qu'on aime. Anakaburiaka mashauri mzuri kwa mtu ule unapenda. Parce qu'on n'aime pas le voir dans le malheur. Ju atupende kumuona mumaole. On ne veut pas le voir dans la souffrance. Pende kumuona umateso. On lui évite les pires. Tunamwepusha bitu bibaya. Parce qu'on aime le voir dans le bonheur. Juu tunapenda kumuona Quand on aime quelqu'un, wakati tunapenda mtu, on veut toujours le voir heureux. Tunapenda kila mara kumuona waheri. Et lorsque ce dernier prend les chemins de la mort et de la souffrance, na wakati ule mtu anabeba njia ya lufu na ya mateso, on intervient toujours par de bons conseils pour arrêter la folie de celui qui s'égare. Asaidiaka kila mara na mashauri juu ya kushimamisha majimu ya ule mwenye kwenda pembeni. Mais la plupart des gens n'apprennent pas à écouter les conseils lorsqu'ils sont déjà envoûtés par de mauvais esprits. Lakini ba mingi bantu abashikiake mashauri wakati wanashikwa na mapepo mubaya. Dans la vie de tout homme, comme je l'ai souligné hier en passant, mumaisha kila mtu vile nilisema jana mkupita, il y a toujours des conseillers sages. Kunekala kila mara bashauri benye kwa na hekima. Et des conseillers de bon sens. Na bashauri benye kuya na mawazo mzuri. Qui donne des conseils vrais. Benye kuletaka mashauri mzuri. Des conseils sages. Mashauri ya hekima. Des conseils de bon sens. Mashauri ya hekima. Pour votre bonheur. Juu ya eri yako. Pour votre sécurité. Juu ya ukingo yako. Il y a aussi. Kunekalaka tena. Des conseillers impies. Bashauri babaya. Qui donne de mauvais conseils. Benye kuleta mashauri mubaya. Pour votre malheur. Ju ya ole upate kupatikana. Oui bien aimé frère. Ndiyo ndugu mpendwa. Oui bien aimé sœur. Ndiyo dada mpendwa. Mais en tant que chrétien comme je l'ai souligné hier. Lakini sawa mukristo vile nisema jana. Soyez toujours disposé à écouter les bons conseils. Ukuye kila mara tayari kushikia mashauri mzuri. Et les bons conseils. Na mashauri mzuri. Viennent de la part du Seigneur. Inatokaka kwa upande ya Bwana. Oui bien aimé frère. Ndiyo ndugu mpendwa. Oui bien aimé sœur. Ndiyo dada mpendwa. Mais l'homme inconverti, lakini mtu asipogeuka, a toujours un penchant, anegala kila mara shakwegamia, vers les mauvais conseils, kumashauri ya bongo, dans lesquels il voit son intérêt charnel, mule ambayo anonea amo mafaida yake ya kimwili. Un mauvais conseil, mushauri shauri ya bongo, même si cela vous est donné pour votre gloire, pour votre intérêt personnel, atakama banakaburia juu ya utukufu yako ya masaida yako epeke, ne peut pas te profiter. Haiwezi kusaidia. Regardez comment c'est Roboam a agi. Angaria vile huyo Roboam alitendaka. Les vieillards qui ont vécu avec son père, baze barikalaka na baba yake, ils avaient de l'expérience. Barikuya na maonjo. Ils avaient déjà vécu beaucoup de choses. Walikuwa washakupita mambo mingi. Ils avaient déjà vu beaucoup de choses. Walikuwa washakuona vitu vya mingi. Ils avaient déjà expérimenté beaucoup de choses. Walikuwa washakuona vitu vya mingi. C'est ainsi qu'ils se sont approchés. Ni mwile namna walimkaribia. Du fils de Salomon pour lui dire. Kwa mtoto wa Salomo juu kumwambia. Écoute ce que le peuple te demande. Sikia kile taifa na kulomba. Nous avons vécu avec ton père. Je tuishi na baba yako. Il était un homme dur. Alikuwa ni mtu wa nguvu. Comme le peuple favorable. Sawa le taifa inakupenda. Comme le peuple était favorable. Sawa le taifa inakupenda. Ce n'est pas grave. Haina hatari. Écoute ce qu'il te demande. Isikia kile wanakulomba. Ils te serviront. Batakutumikia. Ils t'obéiront. Batakutii. Et tu régneras sur eux. Na utatawala yulu yabo. C'était un bon conseil. Kwa ni shauri mzuri. Parce qu'il voulait aussi voir le fils de Salomon, mutoto wa Salomoni, passer son règne en douceur et dans la paix sans trouble. Apite mufalme yake muukimia na bila fujo. Mais en leur présence, lakini muwepo yabo, il a bien répondu, allez dans trois jours je vais réfléchir. Mwende mashiku tatu mitafikiri ni wazeko. Mais l'erreur que Roboam avait fait, lakini kosa ile alifanyaka Roboam, il n'a pas réfléchi sur le conseil que les vieillards qui ont vécu avec son père lui avaient donné. Ashikufikiri pa mashauri ile bazeba alikalaka na baba yake ile barimkaburia. Il n'est pas allé chercher la face de l'Éternel pour dire Seigneur, viens m'aider dans cette situation dans laquelle je me trouve avec les conseils que les vieillards m'ont donné. Ashikwenda kuhusu ya wamilele juu kumwambia kusema kwa unisaidie na hii mashauri mimi napata kubadilika. Wewe sonere? Unaona kosa yake. Il n'a pas médité sur le conseil des anciens. Ashikufikiri juu ya mashauri ya bazee. Il n'est pas allé consulter l'Éternel. Ashikwenda kuona wamilele. Il est allé voir les jeunes gens de sa génération. Alienda sasa kuangalia babiana bale alikomea nabo. Tous ces chômeurs qui n'avaient pas du boulot. Bote bala bakukwe na makaji. Qui voulait profiter de son règne pour avoir un peu d'argent. Bale walipenda kufaidia mufalme yake tu apate ko mali kiloko. Mais regarde les conseils de ces profiteurs. Sasa angalia mashauri ya bale bakutafuta faida. Vous voyez bien mes frères. Unaona ndugu mpendwa. Dans chaque conseil que vous recevez. Kila shauri unapata. Vous devez discerner. Unapasha kutambua. Si ces conseils que cet homme te donne. Kama ile shauri mtu anapatia. Il ne te le donne pas par intérêt. Ashikupatia yo na mafaida. Ses propres intérêts. Ma faida yake mwenyewe. Ces jeunes gens. Aba babiana aba. Donner les conseils à Roboam. Walimpatia Roboam mashauri. Pour leurs propres intérêts, pas pour l'intérêt de Roboam ou du peuple d'Israël. Juu ya mafaida yabo benyewe haina juu ya faida ya Roboam au ya taifa ya Israel. Quand vous acceptez un mauvais conseil. Wakati unaitikia shauri ya bongo. Vous récolterez certainement une déception. Utavunaka kabisa. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Dio ndoku mpendwa na dada mpendwa. Écoutez-moi ce soir. Munisikilize magharibi. Bien-aimés frères et sœurs. Bapendwa ndoku na dada. Ne recevez jamais un conseil impie. Mushipoke kamwe mashauri ya mubaya. Ne recevez jamais un conseil de méchant. Mushipoke kamwe mashauri ya batu babaya. Non frère. Apana ndoku. Non ma soeur, pana dada yangu, ne le faites pas. Musifanye kamwe. Lorsque vous acceptez un conseil impie, wakati unaitikia shauri ya mubaya, cela vous conduira au trouble. Ile itakuongoza kufujo. Et un conseil impie, na shauri mubaya, et tout conseil qui s'oppose à la parole de Dieu et à la volonté de Dieu. Na mashauri yote yenye kupinganisha neno na mapenzi ya Mungu. Un conseil impie, shauri mubaya, est un conseil qui s'oppose à la parole de Dieu et à la volonté de Dieu. Ni shauri ile kuna kumbanisha mapenzi ya Mungu na neno ya Mungu. Qu'il vienne de ton ami, itoke kwa rafiki yako. Qu'il vienne de ta maman, itoke kwa mama yako. Qu'il vienne de ton père, itoke kwa baba yako. Qu'il vienne de ton oncle, itoke kwa mwomba yako. Que cela vienne de tes amis, itoke kwa rafiki ou yako. Ou de tes grands frères, au kubakuba yako. Ou de ton chef, au kwa mkubwa kwa kazi. Si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Kama yambatana neno ya Mungu. Si il n'y a pas de la sagesse dans ses conseils. Kama muna hekima mwile shauri. Ne recevez jamais ses conseils. Usipokee kama mwile shauri. Kama unipokea. C'est pour votre malheur, votre destruction. Ni juu ya ole na kuharibika kwako. C'est vrai frère. Ni kweli nduku. Mais lorsque un bon conseil vous est donné, sasa wakati shauri mzuri, un conseil de bon sens, shauri ya hekima, même s'il n'y a pas votre intérêt, hata kama muna faida yako, même si vous n'y voyez pas votre intérêt, hata kama uonee mufaida, acceptez ce conseil, itikie ile shauri, parce que la finalité, ndio mwisho yayo, Dieu vous bénira certainement, Mungu atakubariki hakika, il te bénira, atakubariki, il te soutiendra, na atakushikamisha, d'avoir honoré sa parole. Vilo reshimiaka neno yake. C'est vrai frère. Ni kweli nduku. Un chrétien, Mukristo, écoute de bons conseils sages. Anashikiaka mashauri mzuri ya hekima. N'acceptez jamais quelqu'un qui te conseille pour se venger. Hapana kuitikia mtu unakushauria juu ya kulipisha kisasi. Que toi tu te venges sur tes ennemis. Juu upate kulipisha kisasi. Anakushauria. Pour que tu te venges sur tes ennemis. Juu wewe upate kulipisha kisasi baadhi yako. Comme ils ont fait ça. Sasa vile walifanya hivi. Comme ils ont dit ça. Juu barisema hivi. But you don't feel ça et ça et ça et ça et ça. Wewe unapaswa kufanya hivi na hivi na hivi na hivi. Ils sentent. Qu'ils sentent. Bapate kushikia. Que tu es quelqu'un de valeur, ils ne doivent pas te mépriser. Usemo kwa mtu abapache kubeula. Dans cette Bible, Dieu refuse la vengeance. Mui Biblia Mungu anakatala kulipisha kisasi. C'est lui-même qui a la vengeance entre ses mains. Niye eko na kisasi mu mikono yake. Dieu nous demande toujours d'accepter le pardon. Mungu anatulomba kila mara kuitikia kuhurumia. N'acceptez jamais un conseil. Hapana kuitikia kama shauri. Qui vous conduira à poser un acte? Il est à congrès au pâté coutin d'attendre fulani. Une parole? À oneno. Qui amènera? Il est à l'état. De l'inquiétude. Du trouble. Pujo. De la peine. Ma teso. Dans le cœur de ton prochain. Muro yanduku yako. Je reprends cela. Narudilia ile. N'acceptez jamais. Et alors jamais. Ushitikie kamwe kamwe. Un conseil de quelqu'un shauri ya mtu fulani qui se pousse ile kuna kusukuma à poser un acte upate kutenda tendo fulani ou à dire des paroles au useme misemo qui amèneront du trouble ile italeta fujo de l'inquiétude italeta ou qui brisera ile tavunja le cœur de ton prochain ro ya ndugu yako qui adressera ile tauzunisha le cœur de ton prochain ro ya mwenzako. Qui blessera il est les sentiments de ton prochain? Mania, ne le faites jamais. Que est-ce que l'église est avec moi? Et tu connais ce que pas moi un ami? Apana kuichika. N'interprétez pas. Où soit frère, tu interprètes. Apana kuichika. Ne faut jamais accepter. Conseil ya muntu, shauri ya muntu yoyote, le conseil de n'importe qui, ule eko na kusukuma utende vintu vibaya, celui qui te pousse à agir en mal, ah, useme vintu vibaya, soit parler en mal, munamna ya kumiza nduku yako au dada yako, d'une manière à briser le cœur de ton frère ou de ta soeur, munamna ya kusikitisha roho ya nduku yako au ya dada yako, d'une manière à faire regretter ton frère ou ta soeur. Apana kufanya kintu ya ile namna. Ou jamais agir de telle sorte. Vous aurez des problèmes avec le Seigneur. Takuwa na mambo na Bwana. Un chrétien, j'insiste, mo Kristo naweka mkazo. Se laisse conseiller. Anajiachiriaka apate kushauriwa. Il se laisse conseiller. Anataka ba mshaurie. Par de bons conseils, de bons sens et des conseils de sages, de sagesse. Kupitia mashauri mzuri na hekima. On accepte pas n'importe quoi. Aba itikake bitu yote. Si tu es sous la colère. Kama uko mashilani. Même si tu avais été humilié. Ataka bari kufezelesha. Même si tu avais été blessé. Ataka mori uri. N'accepte jamais quelqu'un. Usitikie kama mtu. Qui te donne de mauvais conseils pour se venger. Non, et non, et non, et non. Ce monsieur-là, ou cette dame-là, ne t'aime pas. Ce sont des démons dans la bouche de cet homme-là, ou de cette femme-là, qui veut que tu agisses mal pour ton malheur. L'église est avec moi. Et cela est valable. Na ile ni amzuri dans tous les domaines de notre vie. Mo bitu byote bya maisha yetu. Vous avez un différent avec ta femme, avec ton mari. Uko na makokotano na bibi yako na bwana yako. Mais quelqu'un vient te donner un conseil pour briser ton foyer. Lakini mtu anataka kushauria juu pate kuvunja jamaa yako. Et toi tu acceptes ce conseil? Naone tikele mashauri. Vous êtes un insensé. Uko mujinga. Lui, il est en paix avec sa femme, il est en paix avec son mari. Yeye msalama na bibi yake na bwana yake. Et toi tu vas briser ton mariage? Na wewe utavunja ndoa yako. Tu deviendras errant ou errante? Utakuwa wa kuwa yawaya mwanaume au mwanamke. Et lui, elle va rester dans son mariage calmement. Na ule mwingine atabakia mundo yake kimya. Un chrétien a un discernement. Un chrétien a un discernement. Mu Kristo anekala na kutambua. Dans Proverbe chapitre 12. Mezali kumi na mbili. N'acceptez jamais des mauvais conseils qui viennent des impies. Mushitike kama mashauri mubaya mutokea kwa watu babaya. Quand un homme te donne un mauvais conseil, c'est pour ton malheur. Si vous l'acceptez. Mutu kama anakupatia mashauri mubaya ni juu ya ole yako, hapana kuitikia. Proverbe chapitre 12, verset 15, que cela vous pénètre. Mezali kumi na mbili, musara kumi na tano, napenda ipate kumi. La voix de l'insensé est droite à ses yeux. Njia ya mujinga inaonekanaka kunyoloka kumacho yake. Mais celui qui écoute les conseils est sage. Lakini ule unashikia mashauri eko na hekima. Celui qui écoute les bons conseils est sage. Ule unashikia mashauri mzuri eko na hekima. Pas n'importe quel conseil. Hapana mashauri yote. C'est pourquoi kwa mana, nous devons avoir des bons amis. Tunapasha tukue na barafiki bazuri. Des amis corrects. Barafiki benye kunyoloka. Des amis sages. Barafiki benye kwa na hekima. Des amis honnêtes. Barafiki benye kwa na moyo wa haki. Des amis véridiques. Benye kwa bakweli. N'ayez pas pour ami un insensé. Hapana kwa na rafiki mujinga. Non, bien-aimé frère. Apana nduku mupendwa. Non, bien-aimé sœur. Apana dada mupendwa. Celui qui écoute les bons conseils. Ule unashikia mashauri mzuri. Est un homme sage. Ni mtu wa hekima. Mais celui qui n'écoute pas est un insensé. Lakini ule ashishiki yake ni mujinga. Dans Proverbe chapitre 13. Mezali 13. Dans son verset 10, ce qui tu dis. Mustara 12 andiko nasema. C'est seulement par orgueil. Ni kupitia kiburi. Mule kuna lamshaka makokotano. Mais la sagesse. Lakini hekima. Est avec ceux qui écoutent les conseils. Iko pamoja na bale benye kushikia mashauri. Un chrétien écoute de bons conseils. Mukristo anashikia mashauri mzuri. C'est vrai. Ni kweli. Un chrétien. Mukristo. N'écoute pas n'importe quel conseil. Ashikia kama shauri yote yote. Non bien aimé frère. Apana ndugu mpendwa. Dans Proverbe au chapitre 19. Mezali 19. Dans son verset 20. Mustari ya 12. Écoute les conseils. Sikia mashauri. Et reçois l'instruction. Na upoke mafundisho. Afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Juu upate kuya wa hekima mashiku yako ya kumbele. Afin que tu sois sage. Juu upate kuya wa hekima dans la suite de ta vie. Mashiku yako ya bujima. Et le conseil d'un ami. Na shauri ya rafiki. Edu. Iko mzuri. C'est vrai frère. Ni kweli nduku. Proverbe chapitre 27. Mezali 27. Dans son verset 9, l'Écriture Mustari ya kenda andiko inasema. L'huile et le parfum. Mafuta na manukato. L'huile et le parfum. mafuta na parfum. Réjouisse le cœur. Inafurahishaka roho. Et les conseils affectueux d'un ami sont doux. Na mashauri ya mapendo ya rafiki iko mzuri. Les conseils affectueux d'un ami sont doux. Mashauri ya mapendo ya rafiki inekalaka mzuri. Acceptez toujours. Itikia kila mara. Les bons conseils. Mashauri mzuri. Vous aurez la paix. Utakuwa na salama. Véritable ami, na rafiki wa kweli, c'est celui qui donne des conseils conformes à la volonté de Dieu. Ni yule analikuletea mashauri kufuatana na mapenzi ya Mungu. Une véritable mère, mama mzuri, donnera à sa fille, atakabulia binti wake, à son fils, au mtoto yake mwanaume, des conseils conformes à la volonté de Dieu. Mashauri ya kufuatana na mapenzi ya Mungu. Un bon papa, baba mzuri, donnera à son fils, atakabulia mtoto wake mwanaume au binti wake, des conseils affectueux, mashauri ya mapendo, pour le bonheur de son fils ou de sa fille, juu ya heri ya mtoto yake mwanaume au mwanamke. Un véritable ami, rafiki mzuri, donne de bons conseils, eko naleta mashauri mzuri, qui vous donneront de l'instruction, ile tukaburia mafundisho, qui vous donneront un discernement, ile tukaburia kutambua, qui vous permettra de bien agir, ile takusaidia utende mzuri. C'est vrai frère, ni kweli nduku. C'est vrai ma sœur, ni kweli dada yangu. N'acceptez jamais de mauvais conseils, mushitikie kamwe mashauri mubaya. Et ne donnez jamais de mauvais conseils. Na mushikaburianake mashauri mubaya. Il y a deux fois des gens. Kunekala mara ingine bantu. Ils trouvent un frère avec un autre en difficulté. Anakuta nduku moya na mwingine beko magumu. Parce que l'un d'eux l'avait offensé. Jumu moja wabo alimkoseaka. Ou il avait gardé une rancune à l'un d'eux. Ao alichungaka ko kasirane kwa mmoja wabo. Il prend la partie de l'autre. Anabeba sehemu ya mwingine. Il donne des conseils sous colère, sous la méchanceté. Analeta mashauri mukasirane na muro mubaya. Afin de se venger à travers son frère ou sa sœur. Juu ya kulipisha kisasi kupitia nduku yake au dada yake. Et des choses comme ça. Na vitu vya ile namna. Sont d'actualité parmi les gens. Ni biko bia kila mara katikati ya bantu. Comme il n'a pas la possibilité de se venger lui-même. Vile ashina na bahati ya kulipisha kisasi. Par quelqu'un d'autre. Anapitia kwa mtu mwingine. Pour se venger. Juu apate kulipisha kisasi. C'est pourquoi nous devons être sages. Avant d'agir, avant de parler, avant de prendre une décision, nous devons réfléchir sur ce que nous recevons comme conseil. Il y a des fois les frères ou les sœurs agissent comme des insensés. Huko mara mingi bandugu na badada wanatenda saba jinga. Pour accepter un conseil juu ya kuitikia shauri d'un homme et agir sur ce qu'il t'a dit, ya muntu na kutenda mubila na kuonesha, vous devez vous-même être convaincu que ce conseil-là est un bon conseil qui vient de la part du Seigneur. Unapasha kuwa we mwenye na hakikisho ya kusema ile mashauri ni ya kutokea kwa upande wa Bwana. Vous devez être convaincu. Unapasha kuwa na hakikisho que ce conseil-là, kama ile mashauri, amènera la paix dans ton cœur, italeta salama mroho yako. Il y a beaucoup de frères et beaucoup de sœurs qui agissent par sentiment à cause des mauvais conseils qu'ils ont reçus. Et ils deviennent les ponts de la méchanceté de quelqu'un d'autre. Après avoir agi mal, après avoir parlé, il rentre maintenant lui-même, il commence à regretter. Pourquoi ai-je fait ça? Tu as fait cela parce que tu n'étais pas sage. Ulifanya vile juu kukuwa na hekima. Et quand on pose la question, na wakati unaulizwa, mon frère, ndugu yangu, ma sœur, dada yangu, pourquoi tu as fait cela? Je ne fais vile. Il dit, anasema, c'est ça qu'on m'a conseillé. Ndio vile wanishauria. Qui t'a conseillé? Nani c'est ça qu'on m'a conseillé. Ndio vile wanishauria. Je ne veux pas seulement citer les gens. On m'a conseillé que je fasse ceci. Je ne veux pas seulement citer les gens. Non, frère. Non, ma soeur. Soyez vous-même sûr que le conseil que vous avez reçu est un conseil qui est conforme à la volonté de Dieu. Et dans ce conseil-là, tu ne briseras pas la parole de Dieu. Parce que vous ne pouvez pas briser la parole de Dieu sans conséquence. Les conseils que nous recevons, c'est apprendre ou à laisser. C'est apprendre ou à laisser. Ni ya kuibeba au ya kuacha. Tu es libre. Uko na uhuru. De prendre ou de laisser cela. Ya kuibeba au ya kuacha. Vous voyez. Mnaona. Mais lorsqu'un conseil est conforme à la parole de Dieu. Sasa wakati shauri nafanana na neno la Mungu. Si fils ou fille de Dieu. Kama uko binti au wa Mungu. Tu as l'obligation. Uko mapashwa ya kubeba ile shauri. Les conseils qu'on peut prendre. Mashauri unaweza kubeba. C'est un conseil humain. Il y a des choses. Ya bantu tu donner un bon conseil humain. Kupatia shauri mzuri ya bumuntu. Tu peux juger. Unaweza kuamua. Selon la conviction de ton cœur. Patana na vile wewe unaona roho yako. Mais quand vous recevez le conseil de la parole. Sasa kama ni shauri ya kutoka kwa neno la Mungu. L'obligation. Unalazimishwa. Parce que là c'est Dieu qui te parle. Dieu pale ni Mungu anazungumza nawe. Oui bien-aimé frère et sœur. Ndio mpendwa ndugu na dada. C'est pourquoi ce soir je vous dis ceci. Ndio kwa maana mangari niko namwambia hivi. N'agissez jamais sous l'inspiration d'un mauvais conseil. Mushitende kamwe kufatana na kusukumiwa kwa mashauri ya mubaya. En réalité, mukweli, lorsque un ami te trouve en difficulté avec ton prochain, wakati rafiki yako anakukuta mumakokotano na ndugu yako, il te donnera un conseil pour ta paix. Atakuletea shauri juu ya salama yako. Un conseil dans lequel shauri mule ambayo il y a la douceur, muko pole, il y a le pardon, muko buluma. Un conseil dans lequel il n'y a pas de vengeance, mushauri mule ambayo il n'y a pas de brutalité, amuna il n'y a pas de colère, amuna kasirani. Pas quelqu'un qui dit, hapana mtu anakuambia, si c'était moi, kama ilikuwa mie, je ferais ceci, nipasha kufanya hivi. Moi je ne peux pas tolérer cela. Mimi siwezi kuitikia ile. Non. Hapana. C'est faux. Ya bongo. Regarde ce qui est arrivé. Angaria ile ilifikia. C'est comme j'ai parlé hier d'Atali. Ni vile nilikuwa nasema jana juu ya Atali. Qui donnait à son fils des conseils impies. Ule alikabudia kama mtoto yake. Mashauri ya mubaya juu ya kuharibika kwake. Nous devons veiller. Tu n'as pas ça au kesha. Et nous devons pas être excités. Na tu pas chukua kuchamuka tu. Pour agir dans la brutalité. Tu as kutenda mbio mbio. Non frère. Apana nduku. Non ma sœur. Apana dada. C'est une grande leçon que nous recevons ici. Ni mafundisho munene tu kunapata hapa. Tu es un jeune homme. Uko kijana mwanaume. Tu es une jeune fille. Uko binti kijana mwanamke. Au lieu de recevoir les conseils des grandes personnes de vos parents. Pale pawe kupokea mashauri ya watu wakubwa wazazi yako. Vous abandonnez les conseils des grandes personnes. Unaacha mashauri ya watu wakubwa. Vous abandonnez les conseils des parents. Unaacha mashauri ya wazazi. Vous allez prendre les conseils de tes amis de l'école. Unaenda sasa kubeba mashauri de la rue. Ya marafiki yako wa kumasomo wa munjia. Des papillons. Des petites filles. Bakiana unaacha mashauri ya wazazi juu ya kupata mashauri ya bavoyu. Souvent les jeunes gens, mara mingi babiana, dans leur folie ils oublient, ils pensent que les grandes personnes ne sont pas passées par cette villa. Mumajimu yabo banikalamu kwa sababu mkuwajia kusema bakuwa na bao kupitia mule na bobe kuna pita. Il n'y a jamais eu un papa de 60 ans qui n'est pas passé par l'âge de 17 ans. Akuya kuyaka baba wa miaka makumi sito la shikufikishaka miaka kumina saba. Il n'y a jamais eu une vieille maman de 60 ans ou de 55 ans qui n'a fait, qui n'est pas passé par 14 ans, 15 ans, 16 ans ou 20 ans. Akuya mama wa makumi sito la shikupitaka mwile miaka kidogo. La vie telle que vous la voyez aujourd'hui, maisha vile kuna yona leo, n'a pas changé. Haikubadilika. Il n'y a que des démons qui ont redoublé leur force pour séduire beaucoup de gens et les entraîner dans le malheur. Quand ton papa te dit quelque chose, ta maman te dit quelque chose, les grandes personnes vous conseillent, comprenez qu'ils sont déjà passés par cette voie-là. Ils savent de quoi ils parlent. Et les gens vont répéter à la mobile biote, ben à Dieu a bille de connaissance. Si aujourd'hui tu entends pour la première fois un garçon qui te dit je t'aime. Kama leo nashikia la kwanza kiala. Mama yako alikuzaa. Ave aussi entendu pour la première fois un garçon qui lui a dit je t'aime. Alishikia na yeye kiana mwana anamwambia kusema mimi nakupenda. Ton papa qui te conseille là. Ave déjà dit à une petite fille comme toi là que je t'aime. Na yeye aliambiaka kiana mwanamke sawa wewe asema mimi nakupenda. Si il y a un âge où il y a beaucoup de mensonges, c'est l'âge de la jeunesse. Kama kuko kizazi au un âge immature, l'âge dans lequel mu kipimo kile ambayo il y a trop de mensonges, mule munegalaka bongo ba mingi. Mubiana, les jeunes gens mentent beaucoup. Babiana bana landaka sana. La plupart des jeunes gens, babiana ba mingi, et des jeunes filles, na ba wanamuke, ne sont pas sincères dans leur cœur. Abegalaki ba moyo wake maroya. Même la plupart des décisions que les jeunes filles prennent, atama mipango bana bebaka na babiana, ne sont pas des décisions sincères. Aikalake ma mipango yenye kwa na moyo wake. Même dans le mariage, atama mandoa. Il y a des fois les gens disent, j'aime cette femme, j'aime cette fille ou ce garçon, pas par conviction. Aina kufatana kikisho. Pas par conviction. Aina na kikisho. Non. Nous connaissons beaucoup de choses. Tunajua vitu vya mingi. C'est vrai, frère. Ni kweli nduku. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Les conseils, c'est une bonne chose. Ni kitu kizuri. Avoir des conseillers, c'est une bonne chose. Na bashauri, ni kitu kizuri. Mais vous devez discerner. Lakini unapaswa kutambua. Si vous avez un bon conseiller, kama uko na mshauri mzuri, un bon conseiller qui vous donne de bons conseils. Kama uko na bashauri bazuri wanakupatia mashauri mzuri. Je m'arrête ici, nous allons continuer demain. Na shibami hapa tutaendelea kesho. Mais je vous dis, frère. Lakini namwambia nduku. N'agissez jamais sur un mauvais conseil qui vous a été donné. Mushitende kama juu ya mashauri ya mubaya barukaburia. Si vous n'êtes pas convaincu d'un conseil qui vous est donné, kama una nahakikisho ile shauri barukaburia. Il y a encore des doutes dans votre cœur. Mukingariki mashaka maro yako. N'agissez pas sur base de ce que tu as reçu comme conseil. Mushitende juu ya bile barukaburia. Pour agir, juu ya kutenda. Soyez-vous-même convaincu. Kuya wewe peke na hakikisho. Ce conseil-là est conforme à la volonté de Dieu. Useme ile shauri na batana na Mungu. Na ile shauri takuletea salama. Que celui qui a des oreilles, mwenye kwa na mashikio, entende ashikie ce que l'esprit dit, kile roho inasema à l'église, kukanisa. Levons-nous pour la prière. Tushimame juu ya maombi. Un bon ami, rafiki mzuri, il donne des conseils affectueux, analetaka mashauri ya mapendo. Et les conseils affectueux, na mashauri ya mapendo, sont des conseils doux, ni mashauri ya upole. Les conseils de bonheur, mashauri ya heri. Les conseils, mashauri de joie, ya furaha. Les conseils qui vous rendront heureux, ile takuletea heri. Qui vous amèneront la paix, ile takuletea salama. Heureux ceux qui procurent la paix, heri bale benye kuleta salama. Les conseils que nous donnons, mashauri tunaletaka, doit nous procurer la paix. Inapasa kutuletea salama. Quand les conseils blessent les sentiments des gens, wakati mashauri navunja maro ya bantu, amène du trouble, inaleta fujo. Ce sont les conseils qui sont venus de l'ennemi. Ni mashauri natokea kwa adui. Prions. Tombe. Seigneur.